parole de personne. Entends bien, je suis le porte-parole de personne. C'est quoi cette fausse clientèle qui veut que je parle de cartel, de drogue, de porte, d'artel et vol? Ouais, je suis le porte-parole de personne. Entends bien, je suis le porte-parole de personne. C'est quoi cette fausse clientèle qui veut que je parle de cartel, de drogue, de porte, d'artel et vol? Ouais, savent, je suis le porte-parole de personne, le modèle de personne, l'exemple de personne. Je voulais vivre comme une bête, mais d'une ma dompté sur le peu de mes œuvres. Je reste agrippé, systématique, équipé. Ma main sur un HF, loin des clichés. Couper des têtes sur le plancher. Alors, bande de baltringues, il est pas l'heure de coucher. Sur un pschlingue, ils veulent tous me clasher. Veste en flingue, ouais, ton corps est bâché. La femme trente dingue avec des billets torchés. Zarma, t'es bilingue, tu veux te faire embaucher. C'est comme un CR5 en pièces détachées. C'est comme une toile peinte, ils veulent tous toucher. C'est comme cette bande de tapins qui vendent tous des sachets. Depuis que je vis simple, ouais, l'amour s'est fâché. J'suis pas ton boyfriend avec une bague attachée. Des types sur 5 qui m'ont tous lâché. Tu dis que t'es mon zinc, mais t'es où t'es caché? Les vrais me tapent 5 même quand j'suis fauché. J'ai pas l'âme sainte, mais je reste accroché. Ils ont voulu m'empêcher. Je reviens riposter avec ma bombe dans un colis posté. Je suis le porte-parole de personne. Entends bien, je suis le porte-parole de personne. C'est quoi cette fausse clientèle qui veut que je parle de cartel, de drogue, de porte, d'artel et vol? Ouais, je suis le porte-parole de personne. Entends bien, je suis le porte-parole de personne. C'est quoi cette fausse clientèle qui veut que je parle de cartel, de drogue, de porte, d'artel et vol? Qu'ils aillent se faire mettre pour ceux qui visent la couronne. À part le grand maître, je crains personne. C'est Razi qui arrive en fret, Valoris attend que je me conditionne. Inch'Allah, on te fera signe dès qu'on sort album. C'est comme les chiffres et les lettres qu'on sonne. Tu demandes de ma petite tête, mon cœur, comment que je fonctionne. Y'a pas de pipelette de sitcom. Y'a pas de place pour les traits, tu crois que tu m'impressionnes. Je suis venu pour piller les ondes. Je suis du genre direct au cœur de Valoris et j'informe. Explique aux traîtres quand le vice prend forme. Pas question de fermer la forme. C'est quoi ces fakes? Ils veulent paraître sur le chrome. Ça fait la quête, on barrette pour parler album. Près des plages situées dans des champs de plateforme. Tu crois que mon style plafonne contre la phobie qui embrasse l'alcool? Je suis pas toi, MC Rabat à la Gascogne. Fini les tours de vertige qu'on bétonne. Jusqu'au gros chic qui cartonne. Aux têtes d'affiche à la Dalton. C'est Razi sur ton microphone. Hey, je suis le porte-parole de personne. Entends bien, je suis le porte-parole de personne. Je suis le porte-parole de personne. Entends bien, je suis le porte-parole de personne. C'est quoi cette fausse clientèle qui veut que je parle de cartel, de drogue, de porte, d'artel et vol? Ouais, je suis le porte-parole de personne. Entends bien, je suis le porte-parole de personne. C'est quoi cette fausse clientèle qui veut que je parle de cartel, de drogue, de porte, d'artel et vol? Ouais, je suis le porte-parole de personne.